si vous-même ou un proche êtes glouton de bizarrerie, d'étrangeté, de science-fiction et donc non pas de science-fiction, de conjecture romanesque, précipitez-vous sur ces rétrofictions. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Vétienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulf, Francine Lezen, Tob Humdenstock, Massimo Bellini qui était avec nous à la réalisation toute cette semaine et qu'on salue, et à la technique Amine El-Mansari. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique, lundi, nous recevrons le biologique Eric Carsanti pour son ouvrage aux sources de la vie. Mardi, on va parler de Sagittarius A étoile, qui est le trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Mercredi, on parlera de l'intelligence artificielle qui devient artiste, peintre, musicienne, même écrivain, parfois. Jeudi, nous parlerons de l'histoire de Galilée. Ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Ne ratez pas demain à 16h le camarade Esquilin pour la conversation scientifique. Nous on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.